Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Emmanuelle. J'ai la chance de prendre la parole en premier pour peut-être amener le contexte de cette conversation. Pourquoi est-ce qu'on est ici aujourd'hui réunis en ce 10 avril 13h à l'espace Bosch. Je fais partie du collectif Désorceler la finance. Je suis en présence de Julien Celdran, Camille Lamy, Vincent Matine qui font partie de ce collectif. Pour en dire un mot, donc, il existe depuis 2017, il est né à Bruxelles, et il est issu notamment d'un premier rite de passage, donc initiatique, qui est le rituel de désenvoûtement de la finance, et donc qu'on a donné donc, justement, à, donc, c'était un 1er octobre, un jour de nuit blanche, où en fait on partait du constat, donc entre militants, artistes, activistes, que... la finance exerçait un pouvoir trop grand sur nous, qu'elle nous mettait, elle nous plaçait dans un état de sidération, et qu'il fallait absolument nous désenvoûter de ce pouvoir sorcier, et qu'une manière de pouvoir y arriver, bah, c'était en essayant de faire un rituel. Et donc c'est comme ça qu'on a mis en place donc cette forme à mi-chemin entre une mobilisation politique, une performance artistique, vu que c'était dans le cadre d'une invitation donc culturelle. Et aussi, donc, mais dans un espace public très symbolique, qui était le parc de Bruxelles, au sein duquel, en fait, on se trouvait à mi-chemin de l'institution, donc du palais de justice. On se trouvait aussi en face du Parlement. Et il y avait aussi le secteur bancaire qu'on voyait dans les bras du compas franc-maçon. Et nous, en fait, on se trouvait donc juste au milieu donc de cet œil du compas franc-maçon qui était le bassin. Voilà, ça c'est juste pour donner un petit descriptif. Et ici, en fait, donc juste aussi pour situer le collectif Désorceler la finance, on est une quinzaine d'artistes activistes à l'heure actuelle, activistes finance, artistes visuels, artistes sonores. Donc on a vraiment différentes facettes. Et la raison pour laquelle c'est moi qui introduis ce temps, c'est sur une invitation en fait de Virginie Millot et Léna Pathé, qui sont des observatrices du vieux marché et qui ont proposé en fait à Désorceler la finance de venir au début faire un rituel de démarchandisation du jeu de balle. Et on a, de notre rencontre, on a eu l'envie en fait de prendre le temps de plutôt échanger, converser. Et donc c'est un peu ça qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps de déplier notre lien au vieux marché. Et donc ce que je vais faire aussi, c'est inviter toutes celles et ceux qui sont autour de c'est pas une table, mais on est assis sur des jolis petits coussins de bois. Et donc celles et ceux qui sont là autour de ce tapis, de prendre la parole et peut-être à chaque fois que... Donc c'est une conversation enregistrée où on joue le jeu vraiment de nous raconter nos histoires, de se raconter nos récits, de nos expériences vécues par rapport au vieux marché. Donc tantôt on peut se placer comme... En tout cas, je parle pour moi en tant que désorceler à la finance, mais je vais aussi parfois prendre la parole pour, en tant qu'usagère. Et je crois que c'est un peu l'idée qu'on a toutes et tous envie de prendre la parole de cette manière. Donc c'est une pratique du rebond, hein, vous l'aurez compris, c'est-à-dire que on est là pour faire des mises en lien. Et je ne vais pas modérer cette conversation, si ce n'est que je m'autoriserai parfois à dire pour les auditorices, peut-être qu'on n'a pas été assez explicite sur telle ou telle chose, donc je me permettrai juste parfois de vous demander de préciser l'une ou l'autre donnée. Enfin, c'est une conversation autogérée, donc vous prenez le micro. Virginie, Elena, dans votre pratique d'observatrice, vous avez eu l'occasion de tirer quand même des fils qui sont en lien aux histoires intimes. En fait, qu'est-ce qu'on trouve sur le vieux marché? C'est aussi des histoires de passionnés. Donc, il y a une manière d'aborder le vieux marché qui parfois est un regard de passionné, d'amateur, mais qui a envie de sauver, en tout cas, certains objets, donc en conserver les mémoires. Donc il y a tout ce rapport à l'intime, et il y a aussi toute une dimension politique que vous voulez faire ressortir. Et donc ça sera la conversation de tantôt. Peut-être brièvement vous inviter, en effet, avant qu'on écoute l'extrait, à vous présenter, en tout cas à dire ce pourquoi vous avez mis en place ce festival, ou qu'est-ce que vous avez eu envie de faire ressortir comme ligne de force. Ouais, Virginie Milliot. Donc moi je suis anthropologue et je mène une recherche ethnographique sur le vieux marché depuis la première fois que j'ai découvert le marché, c'est en décembre 2018. Voilà. Et je viens assez régulièrement à Bruxelles. Ça a été complètement interrompu avec le Covid, la fermeture des frontières. Donc j'ai pas du tout pu venir. Et là, depuis janvier, moi, je suis là à mi-temps, une semaine sur deux. Et toi, Léna ? Moi, j'ai rejoint le projet de Virginie. On s'est rencontrés en décembre 2021. Et on a vraiment commencé à travailler ensemble à temps plein il y a un petit peu plus de 2 mois. Et donc, j'ai rejoint le projet avec ma casquette de recherche en design / curation. Et on a imaginé ensemble des manières d'amener des formats dans la méthodologie de la recherche de Virginie qui ne sont pas ceux de la recherche ethnographique telle que Virginie a l'habitude de la faire. Peut-être comme un moment d'ouverture, en fait, Vincent s'est rendu sur le vieux marché, donc hier et ce matin, et il a fait aussi des conversations comme ça sur le vif, donc des rencontres assez fortuites. Enfin, il est allé au devant de certaines rencontres. C'était hier, donc tu t'es trouvé vendredi à la fin du marché, sur les coups de 13h, et donc tu as eu l'occasion de rencontrer un homme dont on ne sait trop bien l'identité, mais qui avait l'air de connaître plein de choses sur le vieux marché, et surtout d'être marolien depuis des générations. Est-ce que c'est l'occasion d'écouter l'extrait de cette rencontre ? Commencer sa vie, ou pour la continuer ? Aujourd'hui, il faut être marchand, il faut avoir une carte, il faut être accrédité par la ville de Bruxelles, il faut payer sa place. L'aspect social initial de cette place était qu'on pouvait recommencer à chaque instant, se débarrasser de son surplus de choses et continuer la vie, ou transmettre la vie. Alors là, c'est, dans notre société, tout ça est devenu beaucoup plus organisé et on est obligé de répondre à toute une quantité de critères, de cahiers de charges pour avoir le droit de vivre ou de survivre. Et ce qui reste, c'est justement l'aspect poétique de cela ici. C'est-à-dire qu'il y a ce souvenir de l'époque où il y avait des vrais matelas avec des vraies puces qui sautaient sur les gens qui passaient parce qu'on les sortait de maisons pucées. Et on appelait aussi cette place Zwenzak, c'est-à-dire le sac de jute par terre. C'est-à-dire qu'on n'avait plus que ce sac de jute. C'était notre seul trésor dans lequel on pouvait emmener une vieille casserole, une vieille poêle, une bouteille, un vieux couteau. Et aujourd'hui, les gens ont besoin de tout neuf, tout du nouveau. Et je pense que ce qui les touche dans ce lieu, ce qui fait qu'ils reviennent, c'est parce qu'au fond de leur mémoire, au fond de leur ADN, est inscrit cette nostalgie. Et il n'y a plus que cet endroit qui l'émet, qui le fait vibrer, qui le transmet. Et si ça vous intéresse, demain après-midi, à 13h, dans les anciens établissements Bosch, vous voyez, rue des Tanneurs, il y a un ancien magasin de Bosch, d'outils, de fourreuses. Oui. Ah, c'est un bel endroit. C'est la fameuse association qui est une coopérative. Oui, où ils font des spectacles et des, et donc, des rendez-vous. Oui, ça c'est voilà, il y a un changement. Et donc demain, on fait une espèce de rencontre radio pour parler justement de l'esprit de la place du jeu de balle et des esprits qui sont sur la place du jeu de balle. Et alors, vous êtes invité. Oui, c'est gentil. J'ai beaucoup travaillé pour les pavés de la mémoire. Parce que mon quadrisaïeul était le premier boucher juif cachère de la rue des Renards. Donc en 1800 et dès. Et mon quadrisaïeul, lui, était rabbin ici dans la synagogue qui se trouvait anciennement à l'emplacement de l'école flamande technique d'art. Et mon autre grand-père qui s'appelait Samuel Rosen était un des membres actifs des réseaux de résistance ici. Et dans la rue des Radis qui a été rasée, il avait le café La Plume Blanche, Witteplein. Et comme il était de Cologne, il parlait très bien le flamand et il distribuait des faux papiers à tous les gens qui arrivaient à Patrie d'ici. Et dans l'église qui est là, il avait l'hôtel de Saint-Antoine où il cachait les enfants qui étaient emmenés le matin à 5 heures à Anvers pour partir vers Londres avec la baronne Perelman. Voilà. Donc c'est un long cheminement de recherche dans ce quartier avec mon grand-père paternel, lui, qui a survécu. Et puis j'ai animé cet espace qui s'appelait le musée imaginaire et qui est devenu le Pandore. Et donc voilà, ça a été 32 ans de challenge avec Freddy Tillmans ici, quand on a fait le bal du 21 juillet, qu'on a obtenu subvention. Et à l'époque, avec André de Grouve, pour qui je travaillais, qui était l'ancien gouverneur. Okay. Mais c'est, ah oui, y a toute une filiation, là, toute une histoire. Il y a une histoire familiale ici parce que mon grand-père, qui a perdu 12 frères et sœurs, m'emmenait tous les dimanches sur cette place et nommait les absents, parce que c'est une tradition judaïque de nommer les absents, de les rappeler, pour qu'ils se réincarnent dans notre généalogie et dans la suite, dans l'arbre de vie de notre connaissance, et aussi pour m'expliquer l'histoire, parce qu'il avait peur que cela s'efface. Mais ça ne s'efface pas. Mais voilà, enfin, vous devez peut-être y aller, je vais peut-être vous laisser, mais c'est un des éléments... C'est un des éléments très importants, oui, que je vais souligner, si Marie est d'accord, c'est que son mari, Marcel Brotars, était passionné de livres. Et ici, il s'est aussi promené et il a aussi trouvé des pépites. Et il était à la recherche de, vraisemblablement, des mêmes esprits que nous. Ah oui, non, poétiques, pensais, oui, oui, et politiques. Mais je pensais aussi, c'est quelque chose qu'une des femmes qui s'occupe de cette recherche a trouvé. Par exemple, c'est qu'il y a des gens qui collectent, par exemple, des vieilles photos de famille, etc., pour les préserver, pour qu'elles ne soient pas récupérées dans le système commercial. Donc, apparemment, il y a des gens, des glaneurs, des glaneuses, qui glanent des objets intimes, soit pour les détruire, ou pour les préserver chez eux, mais en tout cas, pour que les empêcher de retourner dans l'économie, parce que comme ce sont des objets intimes. Voilà, voilà. Donc il y a tout un truc un peu rituel. Ça, je ne connais pas, mais je pense que les humains ont chacun des rituels. Nous en avons tous. Et que nous les faisons tous vivre, et qu'ici, c'est un beau lieu pour les faire vivre. Comme on parle de toi dans cet extrait, Virginie, et qu'on situe aussi l'espace Bosch, est-ce que... tu veux nous faire part de cette observation, donc du rapport aussi à la mémoire. Il y a aussi la partie invisible. Alors, c'était en fait la première accroche avec des sorcelets qu'on avait imaginé. Un peu comme un rebond, puis en fait, tu nous as fait un rebond, puis on fait des ricochets, là, à force. Qui était effectivement de réfléchir avec vous à ces pratiques d'habitude du marché que j'ai pu rencontrer quelques-uns. Alors c'est pas une pratique non plus généralisée, hein, mais qui raconte récupérer ou acheter des lettres d'amour en particulier et des photos de gisants pour les sortir de l'économie. Et parce que ça leur est insupportable. Alors après, avec chacun, il faudrait creuser. La recherche, elle est en cours. Je rencontre plein de gens, puis j'espère que j'en rencontrerai plein. Puis c'est aussi plein de conversations. Hein. Tu disais que j'étais dans une posture d'observation. C'est pas ça, sinon ça marche pas. Donc dans une, c'est des conversations, des discussions. Et donc. Un autre monsieur aussi, et qu'il précisait là hier, qui lui, alors, sort du marché des lettres qui peuvent être des lettres contenant des conflits, des histoires de brouilles, d'engueulades avec des gens, etc. Et ça lui est insupportable. Il dit que ça continue à circuler. Et la formule qu'ils utilisent souvent, c'est faut que ça s'arrête. Donc, acheter ou récupérer et pour détruire. Pour en finir, quoi, avec pour permettre, faire en sorte que l'histoire s'arrête. Il y a des histoires qui se prolongent par des rêves, des récits, des imaginations. On a vu 3 beaux films hier, 3 enquêtes qui démarrent à partir du jeu de balle. Donc il y a aussi tout cet exercice-là, des gens qui récupèrent des photos, des souvenirs des gens, et puis qui, à partir de là, alors soit mènent une enquête, essayent de retrouver qui ils étaient, essayent de comprendre les énigmes qu'il peut y avoir dans des albums de photos ou dans des bobines de films, soit se mettre à rêver, à imaginer, à spéculer sur ce que ça avait pu être. Donc les pratiques sont extrêmement diverses. Mais donc oui, c'était sur cette histoire de destruction du marché qu'on s'était dit, ben là, il y a vraiment quelque chose à réfléchir. Et vous étiez vraiment les personnes les plus appropriées pour nous aider à réfléchir ça. Et c'est vrai que tout à l'heure, Julien Saldran, j'ai parlé de toi comme étant un membre de Désorceler la Finance. Donc tu es le scénographe, un des scénographes de ce moment rituel. Mais peut-être... Tu as envie aussi de rebondir depuis une autre posture. Tu es artiste visuel, militant, plein d'autres choses. Je suis aussi un praticien du marché, en fait, parce que ça fait longtemps maintenant que je ramasse des choses. Ça m'a été utile dans le cadre de Désorceler, ça m'a été utile dans le cadre des ateliers du Carnaval Sauvage, par exemple. Et ça m'a été utile dans le cadre d'un travail plastique que je fais à l'atelier. Alors là, on parle d'économie et d'esprit. Et effectivement, je pense que c'est ça qui est intéressant à souligner. C'est que, en fait, il y a les vides-greniers. Donc, en général, un vide-grenier, en fait, c'est un vide-maison plutôt. Et on appelle un vide-maison quand on a quelqu'un qui est mort et qu'on n'a pas envie de faire soi-même le... Ou alors qu'on a fait une partie soi-même et qu'on laisse le reste. Et donc, il y a des stands, c'est certains stands du marché, parce qu'il y en a où c'est plus de l'antiquité, mais où on retrouve l'intimité comme ça d'une maison, en fait. Donc, des possessions de peut-être une seule personne... Et il y a là-dedans quelque chose de qui peut être assez terrible, en fait, quand on l'observe, parce que parce qu'en fait il y a l'empreinte du mort dans ces objets, dans un lot même. Et alors moi, on m'a expliqué que les gens qui font le vide maison, donc ils constituent ce lot, ils l'amènent sur le marché. Et ils vont vendre. Alors, ils vont commencer par vendre les choses les plus intéressantes, évidemment. Enfin, les gens vont acheter les choses les plus intéressantes. Et puis, le lot va perdre en qualité. Et donc, le prix va descendre. Et petit à petit, au fil de la semaine, ce lot, il va diminuer en volume, en qualité, en prix. Jusqu'à ce que ce soit une pièce 1 euro, et puis 5 pièces 1 euro... Et puis gratuit. Et c'est en fait c'est ce moment-là, moi, que je trouve fascinant au jeu de balle. Il y a une pratique, en fait, il y a une population, il y a une économie très précaire qui se met en place à ce moment-là. Il y a des gens qui, en fait, vont venir récupérer des choses qui sont qui en gros n'ont de valeur pour presque plus personne, Mais pour eux, eux vont réussir à leur donner une valeur à un moment. Mais ce que je trouve fascinant, en fait, c'est comment on se retrouve avec des objets qui sont encore un petit peu utiles et qui sont pas encore tout à fait des ordures. Ils sont un peu dans une espèce de no man's land comme ça, où si personne les ramasse, en fait, à ce moment-là précis, eh ben ils partent à la benne. Et donc il y a un moment, moi j'ai jamais ramassé de lettres ou de photos ou de choses comme ça, mais je vois très bien sur la place les gens qui le font. Par contre, c'est le cas de tout un tas d'objets qui sont un petit peu cassés, qui sont un petit peu usés, qui parlent à la fois d'une personne et qui parlent à la fois de toute la société, en fait, et de toute l'économie. Et je trouvais que pour Désorceler, c'était intéressant. C'est qu'au jeu de balle, t'as un processus capitaliste. Il y a tout un circuit qui part vers les antiquaires, vers le sablon et tout ça. Et t'as une sorte d'économie de marché qui est autre chose que le capitalisme. Et puis t'as toute l'économie de la poubelle après. Tout ce qui n'a plus de valeur pour personne. En fait, la société, elle a encore des marges où ces choses-là, elles ont de la valeur. Elles ont de la valeur parce que symboliquement, pour des artistes ou des gens qui sont attachés, comme disait Virginie, à des choses très particulières comme les lettres d'amour, elles vont avoir cette charge symbolique qui va faire qu'elles seront ramassées. En fait, elles ont aussi la... En fait, en tant que l'eau, elle montre aussi beaucoup de ce que la société capitaliste produit de choses débiles que plus personne veut. En fait, tu trouves dans ces caisses, quand elles sont à donner, des objets par centaines pour une seule maison qui servent plus à rien, que personne veut, quoi. Et que nous, on produit, on continue à produire et à jeter, quoi. Et qu'il y a quelque chose de complètement délirant, en fait, dans cette production de poubelles, en fait, que génère le capitalisme. Et qui est patente au jeu de balle, qui permet à quelques personnes de survivre et qui fait aussi que c'est un endroit extrêmement particulier à Bruxelles, quoi. Je vois Camille qui est en accord avec toi. J'avais envie que vous puissiez prendre le temps de préciser, de déplier, donc pour vous, toi Camille et Julien, comme vous êtes dans l'équipe vraiment scénographique du rituel, il y a votre rapport, déjà Camille, tu pourras aussi parler de ton rapport aux objets, mais ici plus spécifiquement, c'est justement, tu parlais bien Julien, de ce stade d'entre-deux, c'est pas encore une ordure, c'est pas encore le stade poubelle, mais vous avez aussi pris le temps, en fait, de transformer ces objets. Donc dans le rituel, en fait, on se coupe du lien qu'on entretient avec la finance, et donc concrètement, il y a en effet donc une tour des finances centrales qui sont reliées en fait par des câblages qui sont des pneus de vélo, de chambre à air de vélo. Et donc quand on coupe vraiment concrètement en fait ce lien, il y a une tête fétiche qui tombe. Donc voilà. Donc peut-être Camille, je te donne la parole sur quel était ce travail que vous avez, donc la transformation de ces objets, le devenir de ces objets. Et puis Julien, si tu voudras préciser aussi les têtes fétiches, parce que c'est quelque chose que tu voilà, qui est aussi une pratique que tu as depuis quelques années. La première étape, je crois que c'était de venir avec nos caddies sur le jeu de balle et de récupérer cette matière qui avait plus de valeur, puisqu'en général on l'a récupérée dans l'état gratuit. Et donc du coup nous on était c'est drôle parce qu'au début on ramassait un peu tout. Je pense qu'on savait pas vraiment ce qui nous intéressait en termes de matériaux, voilà. Et puis au fur et à mesure, on s'est dit qu'il y avait quand même des éléments un peu symboliques qui, pour nous, pouvait avoir de la valeur justement pour produire une scénographie qui n'en est pas une, c'est-à-dire des objets qui, à un moment donné, se transforment et se chargent au fur et à mesure de la transformation, se chargent en symboles, en intentions, qui pourraient être des outils, supports, éléments aussi de protection ou de charge comme ça, de charge magique ou de charge intentionnelle qui allait nous permettre en fait de nous attaquer au marché financier qu'on allait désenvoûter. Et donc en fait ça a commencé comme ça. Puis ben je sais pas si vous êtes au courant, mais Harry Potter, c'est la seule école de sorciers contemporaine qu'on connaisse. Et alors peut-être du côté du soin, on a encore des pratiques qui pourraient être liées à la sorcellerie du côté des potions, quoi. Mais en fait, on nous apprend pas, il y a pas d'école, il y a pas de formation pour être sorcier ou et donc du coup en fait notre but aussi dans la récolte de ces objets, de se confronter à la matérialité ou à la charge symbolique de ces objets, c'est que tout d'un coup on était confronté en fait au sens qu'on allait mettre dans nos gestes et à la façon de les transformer. Et que du coup, au fur et à mesure de la pratique en atelier comme ça de transformation, on crée du sens, on crée un répertoire de un langage de formel et de gestes, qui pouvait donc apporter cette charge symbolique et active, à nos rituels. Donc c'est comme ça qu'on a transformé tout un tas de portefeuilles, par exemple, ou de sacs à main, ou qu'est-ce qu'il y avait ? On a fait aussi des sceptres, qui pouvaient être des outils à brandir pendant le rituel. Et donc voilà, où je voulais en venir. Ah oui, et puis ensuite, en termes d'espace, on va dire, déjà... Voilà, de ces objets est sorti un langage qui forcément s'inspire aussi de lecture ou d'observation d'objets d'archives issus des pratiques magiques européennes. Et donc, du coup, on essayait de comprendre comment ces objets étaient faits, quel sens il pouvait y avoir dans, l'application de tel élément sur un objet. Donc, par exemple, de la cire coulée sur un objet ou le fait de ficeler un objet, de pouvoir, ou carrément le mettre dans un tissu, etc. Et donc, du coup, il y a en plus ce vocabulaire qui est issu de Jeanne Favre-Saada, des textes de Jeanne Favre-Saada, qui parle donc de cette magie européenne et qui nous dit qu'il y a des capacités de bloquer certains objets qui ont eu un sens particulier. Donc, par exemple, le portefeuille, on a commencé à les encrouiller. Et donc, du coup, les encrouiller, c'était agir dessus pour bloquer leur pouvoir capitaliste et l'histoire qui s'était passée avec ces objets-là, quoi. Enfin, autant en tant qu'objet usuel de certaines personnes, mais aussi dans sa posture comme ça d'objet déchet, dévalué, mais pourtant encore dans la capacité active de recueillir, par exemple, de la monnaie et des identités, puisque sur une carte bleue, c'est le mélange des deux, finalement, qui s'y trouve, nos identités et l'argent. Et donc, du coup, en termes d'espace, forcément, il y avait besoin de créer comme ça des actions et des situations symboliques. Donc les têtes fétiches étaient composées d'éléments tels que des costards, des os, des bouts de casseroles, des téléphones. Ils avaient toujours des téléphones, comme les traders, on donne leurs ordres par télé. Enfin, c'est pas les traders, c'est le type qui reçoit les ordres des traders, qui a tout le temps deux téléphones. Enfin, il y a des photos, on le voit, qui parlent dans deux téléphones en même temps. Ils ont l'air complètement fous à cause de leur... du nombre d'informations qu'ils sont en train de gérer. Et du coup, on leur collait toujours deux téléphones de chaque côté avec les fils. Mmh. En gros, elles représentaient la finance, ces têtes. Donc, on les appelait fétiches. Mais parce qu'elles... c'était une finance fétiche, où on aurait pu parler de marchandises fétiches aussi. C'est le terme de Marx. Dans le Capital, ce qu'il décrit comme fétiche, c'est le rapport qu'on a à la marchandise. Et c'est pour ça qu'on s'est permis d'utiliser ce terme, parce que c'est un terme qui est un peu problématique, en fait, fétiche. Mais on l'utilisait surtout pour rigoler avec Karl Marx. C'est ça. Moi, j'apporte juste une précision. C'est les traders, en tout cas ceux qui reçoivent les ordres, c'est dans les salles de marché, comme ça se passait dans les années 80. Et donc du coup, c'est le langage aussi open outcry. Et donc en effet, le rituel s'inspire très largement de ce langage des salles de marché qui est maintenant en train de disparaître. C'est vrai qu'il y a un moment de transmission de ce langage, et ce langage devient fou au bout d'un moment et se transforme, se mélange. Et va se confronter jusqu'à rencontrer donc un autre langage de gestes qui est le langage des groupes militants qu'on a vu apparaître avec les mouvements Occupy, notamment Occupy Wall Street. Et donc, du coup, juste pour revenir sur l'espace, en effet, il y avait l'objectif de ce rituel, c'était de séparer en fait le lien entre le marché réel, ce qui signifie la circulation en fait d'éléments matériels dont on a besoin. Donc, par exemple, le marché des céréales, c'est important en fait de redistribuer, d'échanger. Enfin, un marché, ça peut être via le troc, etc. Donc, le marché réel, c'est en fait ces ressources-là, les céréales, par exemple, ou les métaux, ou je ne sais quoi, le bois, tout un tas d'éléments, voilà. Qui compose notre réalité et qui répond à des besoins. Et donc, du coup, comment ce marché est pris par la finance. Et donc, du coup, on essayait de le relier comme ça avec des câbles tendus de chambre à air et de cravates. Et donc, du coup, l'objectif était donc de rompre ce lien à force de pratiquer finalement ce rituel, quoi, à force collective de pouvoir le visualiser tellement fort et donc, du coup, trouver la force enfin de rompre cette emprise là. Voilà. Est-ce que Julien, du coup, tu veux revenir sur la manière dont toi, tu aussi, tu récupères les objets, ce que tu trouves sur le jeu de barre, et comment est-ce que tu le transformes ? Est-ce que c'est une pratique artistique ? Est-ce qu'elle est d'un autre ordre ? Je crois que je ne vais pas amener beaucoup plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que, en tant que plasticien, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des poubelles, en fait, avec des trucs qui étaient vraiment les papiers gras que je ramassais sur le trottoir, qui avaient été écrasés par les bagnoles et qui étaient vraiment chargés de la crasse urbaine, en fait. Mais... c'est pas ça qu'on trouve au jeu de balle, c'est encore un autre niveau, c'est qu'ils sont c'est ça, ils ont cette en fait ils ont cette charge d'avoir appartenu à quelqu'un et d'avoir été utilisé, que tu peux pas avoir en fait si tu achètes l'objet dont tu as besoin pour faire ton travail. Par exemple, moi j'aime bien travailler avec les sacs à main depuis Des Sorcelles et de la Finance. Mais je préfère en trouver un vieux tout pourri dans les poubelles du jeu de balle que d'en acheter un de même de seconde main. Parce que souvent, ils ont une patine qui est... et même s'il est merdique, enfin, si, même si c'est du sky et qu'il est tout déchiré. Mais parce que en fait, c'est la même chose dans les costumes du carnaval. En fait, les objets... y a une règle au carnaval sauvage, c'est qu'on se fait un masque et un costume sans dépenser d'argent. Et donc, le volume de déchets qu'il y a à la fin du marché nous a permis de faire beaucoup de costumes de carnaval. Et le carnaval sauvage de Bruxelles, il a une certaine identité parce que les objets qu'on utilise pour faire les masques, ils ont en fait cette patine de choses à la lisière de la poubelle. Ils sont dégueulasses parce qu'on les a ramassés dans le caniveau et que s'ils sont mis à la poubelle, c'est pas pour rien non plus. Cette nature de semi-déchets qui fait qu'ils ont des qualités plastiques particulières. Et c'est ça que je trouve intéressant, moi. Ils ont quelque chose d'un peu pathétique aussi. Tu vois, ils sont un peu... c'est un peu les... Ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est le dernier... Soit on les ramasse maintenant, soit ils partent à l'incinération. Donc c'est... Mais c'est comme s'ils avaient perdu toute fierté. Je sais pas pourquoi je pense à ça quand... Ouais. Tout d'un coup, je vois ces objets, ils ont perdu leur fierté. Une fierté, je sais pas, officielle de reconnaissance, mm-hmm. et qui sont, je sais pas, tout humbles dans leur fonction et dans leur matière. Quoi. Il n'y a plus que la matière comme ça, et puis il y a un peu l'esprit de la fonction qui flotte comme ça au-dessus. Est-ce que Léna ou Virginie, vous avez envie de nous faire part, nous transporter avec justement des histoires vécues qui vous ont particulièrement interpellé et que peut-être vous prenez la peine de restituer ici. On est entouré de beaucoup de photographies, il y a des images, il y a pas mal de choses à lire aussi ici. C'est un espace très vivant et très peuplé. Donc voilà, si vous voulez aussi prendre appui sur ce qu'on voit dans la pièce et nous les décrire, ça peut être un point de départ aussi. Moi, je veux bien rebondir sur ce que disait Vincent, parce que c'est quand moi j'ai découvert ce marché, je connaissais bien les marchés les marchés de récupération, marché de Biffin à Paris, qui sont vraiment là des marchés de survie, quoi. C'est des gens qui récupèrent dans les poubelles, qui vendent sur des draps posés au sol. Et quand j'ai découvert le marché du jeu de balle, les deux choses qui m'ont vraiment frappée, c'est d'abord la destruction. Fin de marché, de voir les marchands qui détruisent, qui réduisent les objets. Alors là, effectivement, tu as ce petit moment là où les objets n'ont plus de fonction. Ils arrivent là. Et puis, s'ils ne sont pas sauvés par quelqu'un, ça redevient de la matière, quoi. Les bouquins qui sont achetés à la tonne, qui vont devenir du papier, les tissus qui vont aller faire de l'isolation ailleurs, enfin, etc., etc. Donc ça m'a vraiment frappé. Et je trouve que c'est très fort sur le marché. Et c'est très fort ce que ça fait aux gens. Et la manière dont les gens réagissent par rapport à ça. Là, il y a vraiment quelque chose d'important. Alors effectivement, critique de la société de consommation, on l'entend. Il y a beaucoup de gens qui sont choqués par les destructions et c'est très, très conflictuel. Si on essaye de photographier ou de filmer un vendeur qui est en train de détruire, il vous saute dessus en disant que vous n'avez pas le droit de faire ça, etc. etc. Certains marchands racontent qu'ils se retrouvaient après avec des photos sur Internet. Enfin, c'est très critiqué, c'est mal, c'est une vraie tension, quoi. Donc ouais, la destruction, je trouve que c'est très fort. Il y a des choses à réfléchir là-dedans. Et puis l'espace de gratuité, il y a pas d'espace de gratuité en ville. Et là aussi, je trouve que c'est très fort là. Et ça en fait un endroit qui est, enfin, pour plein de raisons, qui est unique au monde, je pense, hein, le marché de, le vieux marché de Bruxelles. Et tout ce que tu racontes, vous en êtes l'illustration, la créativité qui est impressionnante, là, le nombre de gens qui viennent se nourrir, puiser des ressources, des idées, des matériaux pour des créations, c'est un réservoir créatif qui est incroyable, c'est là aussi unique par rapport à ça. Et juste en rebond, t'as dit qu'on était en rebond, alors je me permets, mais je vais pas prendre la parole trop longtemps. Par rapport à cette histoire de destruction aussi, parce que là aussi, il y a quand même quelque chose qui interpelle beaucoup. Et hier, on en a discuté dans la causerie. C'est essayer de comprendre, parce que à ma connaissance, il n'y a pas d'autres marchés aux puces où tu trouves comme ça des caisses avec des archives personnelles. Parce que sur tous les autres marchés aux puces, c'est trié en amont, en fait. Alors, soit parce que les descendants ont fait le tri avant, puis il y a des papiers qu'ils ont jetés, des papiers qu'ils ont gardés, etc. Alors là, il y a un tri, mais c'est un tri, ce que racontent les marchands, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire, effectivement, ils vendent, les héritiers vendent d'abord tout ce qui a le plus de valeur, puis après ils se débarrassent, et puis ça arrive, et puis le matin à 6h, il y a les marchands avec la frontale qui achètent ce qui a vraiment de la valeur, et puis petit à petit, effectivement, le circuit que tu racontes est très, très juste, quoi. Mais donc le mystère, c'est comment ça se fait que toute cette mémoire, elle arrive là? Comment ça se fait que toutes ces archives intimes, les gens, ils disent... en rebond, mais du coup, je vais devenir complètement confuse à force de rebondir dans ma tête et d'essayer de garder le fil. C'est comme s'il y avait toute une vie dans la rue. Il y a des gens que ça affecte beaucoup, quoi. C'est toute une vie. Il y a des choses qu'on a gardées, un environnement matériel qu'on a construit avec tout ce que ça peut représenter de mémoire, de souvenirs, de construction de soi aussi dans les objets qu'on garde dans la maison, et tout ça paf, dans la rue, quoi. Donc ça brasse beaucoup, hein. Et on a discuté, donc voilà, j'ai retrouvé, pardon, le fil hier, et une des hypothèses des gens qui étaient autour de la table hier, je trouve, elle est intéressante. C'est de dire, en fait, une des explications, ça serait parce que ça n'a pas toujours été comme ça, le jeu de balle. Il n'y a pas eu toujours ces souvenirs-là. Et en fait, il disait, c'est peut-être lié à la spéculation immobilière. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus cher à Bruxelles. Et avant, il y avait des grandes maisons avec des greniers. Et maintenant, les maisons ont été divisées. Les héritiers peuvent plus garder les maisons. Et puis, les maisons se vendent super, super rapidement parce qu'il y a un marché immobilier qui est à flux tendu. Et du coup, les héritiers doivent vendre rapidement. Et c'est ce qui explique que, du coup, cette spéculation immobilière peut être un élément d'explication du fait que y a une histoire belge qui se brade, où il y a des souvenirs qui se bradent sur la place du jeu de balle. Je trouve que c'est une hypothèse... intéressante à réfléchir, quoi. Bon, voilà, je vais peut-être arrêter de parler pour faire tourner la parole, parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on pourra discuter. Sur ce que tu dis, le terme est très juste, l'empreinte. Le fait qu'il y a des objets qui ont encore l'empreinte de ceux qui les ont possédés. Et pas seulement les photos qui sont très chargées, mais effectivement même les objets usuels. Et il y a des gens qui aiment ça aussi. Mais il faut faire avec, effectivement, la trace de ceux qui ont possédé ces objets avant. Est-ce que ce serait l'occasion de faire écouter un deuxième extrait de tes rencontres sur la place du Vieux Marché? Pour le marchandise. Oui, c'est par exemple... qu'est-ce que vous avez comme sorte d'objet? Parce que c'est tout mélangé comme ça. Oui, tout mélangé parce que les ouvriers, ils font les vides maison ici. Tu vois, les patrons, tout le monde, ils font les vides maison. Et ils font les vides, ils vident les acaves, la cave de. Tu vois, la cave toujours est sale. De temps en temps, tu trouves les acaves, il est propre, un petit peu propre. Mais ici, dans Bruxelles, tous laissent tomber. Hein. Si les patrons ils font vide maison de loin, comme Delbecq, là-bas, il y en a belles marchandises, un petit peu, tu vois. Même le patron, il fait le courage pour le vendre. Il fait belles pièces de la table. C'est pas comme ça, le bord de là, tu vois, il jette tout de la terre, tu vois comment. Oui. C'est ça le problème de le bord de là. Mais ici, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le brol. Le brol. Tu connais ce mot, le brol? Non, ça, je connais pas. Tu fais la brocante, tu connais pas le brol? Oui, c'est là. C'est un mot bruxellois, le brol, c'est ça. Quand tout est mélangé. Jouer mix. Mais les, ça c'est poubelle, ça c'est pas, tu vois, comme, c'est pas quelque chose, il y a des valeurs, comme ça, tu vends pour 50 euros, 150, 100 euros, 80, juste les pièces de 1 euro, 2 euros, si, tu vois, ça, c'est pas marchandise. Parce que c'est pas vraiment de la poubelle, hein. Là, par exemple, il y a des sabots, ce sont des beaux sabots. Pour ceux qui s'intéressent. Oui, mais c'est pas... Moi, je n'intéresse pas les choses. Il y a les gens, il y a les clients, ils ne l'intéressent pas, ça. Ils ne l'intéressent pas, ça. Il y a les clients, ils veulent bon marchandise. Ah ouais. Donc là, aujourd'hui, c'est le résultat de caves et de greniers. Voilà, c'est comme ça. Mais il y a les gens, ils achètent dans la salle de vente. Il y a les gens, ils achètent. Pas comme les autres, ils font juste vide maison gratuit. Mais il y a les autres, ils achètent de les brocantes, de la salle de vente, ils payent, ils ramènent les bons marchandises. Mais il y a les gens, ils profitent. Ils veulent juste tout gratuit. Et vous faites. Ça fait longtemps que vous faites ça ici? Moi, oui. Je suis 15 ans ici. 15 ans. Ah oui, et c'est votre étal ici? Non, c'est pas moi, mais j'ai la place ici, c'est pour mon frère. Et moi, je travaille avec mon frère. Ah oui. Bah oui. Et c'est quoi les choses que vous aimez quand vous venez ici? Les choses, oui. J'y vends moi ici. Moi, j'ai fait les pièces comme le valse à l'envers, comme ça, cristalline, les choses Milano. Il est signé, quelque chose, il est signé. J'ai fait quelque chose, le bois, comme art déco, quelque chose art déco. Les tableaux ciné, et ces vieux tableaux des années 60, des années 50, 70. C'est ça, j'aime bien. Moi, j'ai fait le commerce comme ça. Comme ça, tu vas aller loin. Mais si tu fais le commerce avec ça, tu vas rester toujours de la poubelle. C'est vrai ou pas? Bah oui. Mais il y a des gens qui viennent et qui aiment bien fouiller dans ces poubelles, dans ce brol. Oui. Je suis d'accord avec toi. Oui, il y a les gens, ils aiment bien. Ça, il y a les gens, il n'y a rien à faire à la maison, surtout les vieux, surtout les gens, les malades, un petit peu de la tête. Il vient ici, tu vois, il fait un tourne comme ça, il y a les gens, il y a les problèmes, stress de la tête, il vient, il chipote un petit peu, comme ça, il passe le temps. Bah, oui. Ah mais vous voyez ça, qu'il y a des gens, ça... Ils viennent ici un peu pour se calmer. C'est tout, oui. Ils rigolent avec les gens comme ça, avec les gens ici. Il y a beaucoup de gens sans papiers. Ils aiment bien parler avec les autres, comme les Belges, les Flamands. L'ambiance, ils vont faire un petit peu de l'ambiance. C'est tout. Mais le marché, c'est comme ça. Oui, parce qu'il y a des gens ici qui viennent tous les jours, hein, je crois. Tous les jours, oui, tous les jours. Parce que le marché travaille tous les jours. Il y a les gens, ils sont mages, ils sont passionnés. Il n'y a rien à faire à la maison. Il faut obliger, il faut faire un tourne de le marché comme ça. Désolé pour mon français, les cassins, je ne peux pas. Non, c'est très bien, c'est très bien. Ouais. Et styliste, si tu veux, ça va? Comment? Styliste. Oui, je vous laisse travailler. Grave. Oui, non. Ah, c'est merci, très, très gentil d'avoir donné quelques minutes. C'est très gentil. De rien, monsieur. Moi, j'avais juste envie de réagir parce que je trouve qu'il y a plusieurs choses hyper intéressantes dans le contenu qu'on vient d'écouter. Je trouve qu'il y a, quelque chose de l'ordre de ces marchands, il y a ce mélange de marchandises. Il y a plusieurs choses, je trouve, qui sont intéressantes et qui m'est venu aussi dans la conversation là un petit peu avant, des gestes des marchands en effet entre casser, mais aussi il y a casser de la marchandise à la fin pour le faire redevenir matière. Mais en effet, il y a ce truc de brol, de mélange en fait, des matérialités et de sans hiérarchie en fait entre les objets. Et donc du coup, il y a un truc de l'œuvre d'art qui est au même niveau que le petit chien en plastique qui est sorti d'un œuf Kinder sans doute, la belle vaisselle de la grand-mère en argent, etc. Tout est un peu au même niveau et je trouve ça assez intéressant. D'ailleurs, il y a un marchand, enfin certains marchands font ça, mais j'avais repéré un en particulier qui utilise des plateaux. Et donc en fait sur le marché, donc il y a plein de cartons comme ça, de cartons à bananes qui sont posés au sol. Et en fait, à la jointure de quatre cartons, il pose en équilibre un plateau en général et il pose tout un tas d'objets dessus. Et à chaque fois que je regarde ces plateaux, je me dis, mais en fait, il y a un récit juste à faire avec les objets aussi différents qu'ils soient à cet endroit. Donc des fois, il met un vase, donc un petit bonhomme en plastique, un truc, un souvenir de voyage, de vacances, une photo, des éléments comme ça, hyper disparates, mais qui présentent comme s'il faisait une petite présentation de son échoppe, etc. Et du coup, j'aime bien en tout cas observer comme ça l'attention que certains marchands ont à leurs objets, à une volonté de les mettre en avant, de les mettre en scène d'une certaine façon, et de potentiellement créer comme ça des bases de récits sur les plateaux, quoi. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Puis il y a aussi les trucs où, ben, des fois, on se dit comment ils vident les maisons. Et quand tu parlais des lots, par exemple... Julien, avant, tu disais donc des fois ils viennent, ils vident la maison après le décès d'une personne, et donc ça s'est passé de manière récurrente de voir par exemple où, des moments où ils vidaient en fait tous les tiroirs sur le lit ou les penderies entières sur le lit, et ensuite avec la couverture du lit qui était encore fait ou les draps, ils repliaient, ils faisaient un énorme baluchon et ça évitait de mettre en carton des choses, etc. Donc du coup, après on arrive sur le jeu de balle, on pose le baluchon puis on réouvre et tous les objets ont été comme ça mélangés. Et enfin, il y a la phase où ben il y a des éléments qui vont récupérer. Donc du coup, ils rechargent le camion, alors qu'on a l'impression que c'est dans un état de poubelle monstre avec comme ça une espèce de gros tas. Nous, on était toujours surprise. Il y en a un qui fait jamais ses tas gratuits, par exemple. Mais pourtant, c'est vraiment le stand le plus chaotique du marché. Et il avait une capacité à tout refaire rentrer à l'intérieur de son camion. Et donc, du coup, on regardait comme ça, parce qu'on attendait sur la fin du marché pour récupérer les derniers éléments, des bouts de pied de table cassés, etc. Et on regardait ça. Le gars, il remplit tout le camion avec même les éléments les pires, dans le pire état, etc., jusqu'à la dernière chaise. Il arrivait à encastrer tout ça. Et ça, c'est aussi un geste un peu magique, enfin pour moi, presque de l'ordre du rituel aussi, d'avoir la capacité de tout faire tenir comme ça dans ces camions, dans les coffres, où il y a aussi une espèce de tableau comme ça, de méli-mélo d'objets, comme un tableau collé comme ça, ou une compression à la César, ou je sais pas trop quoi, il y a un truc, voilà. Et enfin, du coup, je disais aussi donc le mettre au même niveau certains objets, et je trouve ça assez intéressant parce que avec des sorceliers, on s'est posé la question plusieurs fois de désenvoûter le marché de l'art. Et en fait, eh ben, je me dis que sur le marché du jeu de balle, il y a un sacré désenvoûtement du marché de l'art qui est opéré par lui-même, quoi. Et moi, je sais que dans ma famille, il y a une passion pour aller sur le marché du jeu de balle récupérer des tableaux. Et mon père a vraiment une énorme collection de tableaux récupérés sur le jeu de balle qui lui a coûté, je pense, au maximum 15 euros la pièce. Voilà. Et c'est plutôt en général 4, 5 euros. Mais en fait, remise dans une situation, enfin extraite de leur situation, peuvent reprendre le niveau, le niveau de l'art. Donc, si exposé seul sur un mur, dans une situation particulière, voilà, retouche sa dignité, entre guillemets, ou je ne sais plus comment on disait. Retrouve en tout cas son prestige. Installé comme ça sur le pavé, etc., et mis au même niveau que tous les autres objets, quoi. Et donc, moi, je trouve ça aussi intéressant. Et des fois, on voit, voilà, dans le marché de la croûte, il y a un truc assez intéressant, quoi, d'observer, ces objets, ces objets qui viennent quand même de la créativité, de l'art, l'art comme si c'était quelque chose de sacré, de précieux, etc., et remis sur le pavé, voilà, reprend aussi un autre sens, quoi. Enfin, je sais pas, c'est des pensées, quoi. Mais cette histoire de rituel, quand ils remplissent les camions, là, oui, c'est très curieux de porter attention, une attention à des choses, on va dire, minables, complètement minables, toutes détruites. Beaucoup de gens ne sont pas intéressés par la place du jeu de balle parce que, à leurs yeux, tout est sale, ça n'a pas de dignité, quoi. C'est vraiment, c'est les moins que rien, c'est la poubelle. Et le capitalisme, ça doit briller, ça doit être neuf, ça doit être pimpant, ça doit rentrer dans un carré, etc. Et donc, toute cette attention, même, on a l'impression des fois qu'ils ramassent même des morceaux de poussière, quoi, enfin, qu'ils emballent soigneusement. Donc, il y a un truc comme ça. Que moi, je lis, en fait, c'est un rapport à la mort, une espèce de respect, en fait, des choses jusqu'au dernier moment, quoi. Jusqu'au dernier moment de dégradation. On ne te jette pas à la poubelle simplement parce que tu n'es plus utile. Et le capitalisme, c'est ça, justement. C'est quand tu n'es plus utile, c'est poubelle. On ne va pas voir plus loin. Donc, il y a ce truc-là de résistance. Pour moi, la résistance, là, c'est lié à la mort. Je crois que tu avais quelque chose, là, Emmanuel. Donc, Inter-Environnement Bruxelles, pardon, a fait une publication qui s'appelle Bruxelles en mouvement. Et donc, dans ce journal qui traite vraiment du vieux marché, donc j'imagine que c'était vraiment une collaboration entre vous et Inter-Environnement Bruxelles. Et donc, je ne connaissais pas, moi, l'origine du mot « brol ». Toi, tu la connais, Virginie ? Alors en fait, c'est un hasard si ce numéro il porte vraiment sur le vieux marché. C'est marrant, il y a une espèce d'alignement d'étoiles. Mais derrière, il y a Martin Rosenfeld avec qui j'ai commencé, et puis Chloé Deligne. C'est les deux personnes avec qui j'ai commencé la recherche sur ce quartier. Et effectivement, on s'était questionné sur ce mot brol. Dans la petite histoire, donc ils avaient organisé. Il y avait aussi Gwen qui était là, il y avait Patrick Wouters qui vont être là cet après-midi. Donc Chloé avait organisé toute une visite. Et on était parti là-haut du palais de justice, et puis petit à petit on était descendu. Donc raconter les sablons et tout. Donc moi j'ai découvert la première fois la place en descendant. Et plus on se rapprochait de la place, effectivement, plus le terme brol revenait dans toutes les bouches. Et c'était un mot que j'avais jamais entendu. Revenant à l'époque d'un workshop qu'on avait fait en Argentine avec des chercheurs qui travaillent sur les économies de récupération là-bas, et pendant une semaine avec d'autres chercheurs, on avait discuté et comparé ces différentes économies, et en fait, plusieurs fois, on avait buté sur des termes qu'on n'arrivait pas du tout à traduire. Et en fait, à chaque fois qu'on butait sur un mot qu'on n'arrivait pas à traduire, ben, on touchait à une spécificité de ces économies-là. Donc ces mots étaient précieux, en fait. Et donc, j'avais cette expérience-là, et du coup, je les ai beaucoup questionnés sur ce terme de brol. Et on a fait un petit travail collectif, on a fait des ateliers, c'est Chloé Deligne qui a organisé ça à l'ULB, et on a fait un petit article que Martin a repris et développé dans ce numéro. Et qui fait partie, donc le mot brol fait partie d'un abécédaire de la seconde vie des objets. Donc voilà, ça aussi, je ne savais pas que ça existait. Est-ce que vous voulez que je vous lise ? Oui ! Si le sens placé derrière le mot brol est donc multiple, il est intéressant de constater qu'il en va de même de son origine. L'étymologie de brol renvoie à une origine germanique, brod, qui signifie brouiller, mélanger, rendre trouble. Cette étymologie se retrouve dans une série de termes germaniques autant que latins, ce qui explique sa persistance en français et en néerlandais. Le mot brouillé, dans ses différentes acceptions, évoque tout autant l'altération, le fait d'être abîmé, puis le mélange des cartes, des liquides ou des matériaux, le désordre des idées autant que des affaires. Il est à la source de l'italien imbroglio, le nœud. En dérive des mots comme débrouillard, brouillon ou brouet, qui partagent avec brol les sèmes de l'hétérogénéité des composants, le mélange des matières ou des produits. Le terme brol, dans sa variante broule, est attesté depuis longtemps en Flandre occidentale, où il pourrait lui-même avoir été importé du mot brouille français. Alors oui, non, peut-être un rebond là, un retardement par rapport à alors le brol, le mélange, le fait que ce soit absolument pas hiérarchisé, la potentialité du coup de ce fouillis qui est pas, il y a rien qui est standardisé, il y a rien qui est qui est véritablement en fait donné à vendre. C'est, et il y a une chose qui est importante parce que tu disais effectivement ils sortent quelques objets qui mettent en valeur, mais ils vont pas ranger. Parce que ça fait partie des... Et ils le disent même, en fait, ce qui est important, les amoureux du marché, ils aiment fouiller. Parce qu'il y a l'idée qu'en fait, tu vas rencontrer un objet. Il y a beaucoup cette manière de... On n'achète pas un objet, on rencontre un objet. Et souvent, ils disent, c'est l'objet qu'ils trouvent. Mais du coup, il ne peut pas être... Tu vois, s'il est trop exposé, s'il est isolé, ça ne fonctionne pas, en fait. Donc, il faut du brol, du fouillis, il faut une caisse profonde dans laquelle tu t'engouffres pour aller extraire un objet qui t'est destiné, qui t'appelle. Hier, un chineur disait ça, en fait. Il y a des objets qui me parlent et qui m'appellent. Viens me sauver. Je vais être détruit, vite. Achète-moi, fais quelque chose avec moi, etc. Donc, voilà. Et par exemple, Opus à Paris, à Montreuil, on retrouve un petit peu en dehors, dans les espaces de Biffin, ce brol, mais on n'a pas ce mot-là, en tout cas ce fouillis, ces caisses, et il y a une partie des puces à Saint-Ouen qui s'est très largement gentrifiée, avec des galeries d'art qui s'installent, avec des antiquaires, ça fait longtemps hein, que les puces, elles ont été reprises par des marchands, et tu le vois clairement justement la scénographie des objets. Et plus tu t'enfonces dans les parties des puces qui sont les plus gentrifiées, plus tu as un espace qui est hyper lissé avec des objets qui deviennent des objets uniques, justement. Il y a une espèce de hiérarchie mise en scène qui est aux antipodes du brol. Par rapport à ce que tu disais là à l'instant, est-ce que c'est toi qui trouves l'objet ou l'objet qui te trouve ? Et j'avais envie de raconter une anecdote par rapport à désorceler la finance. Donc on fait aussi parfois des actions dans l'espace public. Et donc ça, c'était en 2018... Il se trouve que les Lehman Brothers voulaient fêter leur anniversaire, donc les 10 ans de la crise. Donc on trouvait ça complètement ironique qu'ils se réunissent. Et donc pour fêter voilà, les 10 ans, donc de leur chute. C'est ça, absolument. Et donc, on a décidé, avec des sorceliers à finance et puis aussi d'autres complices, on va dire, de vraiment, nous aussi, célébrer sur donc les marches de la place de la Bourse. Et du coup, on avait commencé à fantasmer, évidemment, un anniversaire de luxe avec un gros gâteau immense. Un tout gros gâteau, quoi. Et donc, du champagne, que le champagne coule à flot, etc. Et donc, c'est le samedi, il faut être quand même assez réactif. Donc, je vais sur la place du Vieux Marché le mercredi. Et comme de par hasard, il y a deux énormes gâteaux qui attendent là sur la place, qui sont là disponibles, alors qu'on n'en trouve pas quand même tout de suite. Donc, tu parlais d'alignement de planètes aussi. Et je fais, tiens, c'est marrant qu'ils se soient trouvés là. Et qu'en plus, il se trouve qu'il y avait une voiture qui arrivait au bon moment pour transporter ces gâteaux et nous conduire à la place de la Bourse. Des gâteaux en carton. Des gâteaux de carton qu'on a recustomisés, évidemment, après. Je trouve qu'il y a... Ah oui, tu voulais rebondir, Camille ? Pas directement sur le gâteau, mais sur la question du brol et aussi sur l'intervention du coup de ce monsieur qui a été interviewé, ce marchand, qui dit qu'il y a des gens, voilà, ils sont stressés, ils vont pas bien dans leur vie, du coup, il y a rien à faire. Donc on va dans les marolles sur le jeu de balle pour se faire du bien, quoi. Donc déjà, en effet, c'est un espace social, donc de rencontres, ça c'est sûr, d'activités, voilà. Mais aussi, je ne sais pas si vous, ça vous fait ça, mais des fois, c'est le brol dans ma tête, quoi. Et donc, du coup, d'aller en fait, sur le jeu de balle, repérer qu'en fait, même dans toute cette crasse, il y a des choses qui me parlent et qui me racontent des choses. Eh ben, je me dis, bon, tout n'est pas à jeter non plus de ce que j'ai dans la tête. Ce n'est pas la fin du monde. Du coup, des fois, ça fait du bien de, voilà, de se retrouver dans un environnement aussi de mélange, de cafouillage, de bordel pour y voir plus clair, quoi. Donc moi, je sais que c'est aussi un rituel, un moment un peu que je fais de temps en temps, d'aller juste observer, regarder, constater. Constater ce que la vie nous met là devant nous, quoi. Mais oui, on lui voue un grand attachement aussi. Et du coup, je voulais juste aussi rappeler le contexte par lequel là, on était passé, à savoir le confinement, où quand même le vieux marché a été fermé pendant de nombreux mois. Et c'était injuste à plein de niveaux, alors que les marchés alimentaires pouvaient réouvrir. Et ici, en fait, dans cet espace, il y a deux photos que j'étais heureuse de retrouver. En effet, on voit la banderole réouverture du vieux marché et on voit la clique du carnaval sauvage. Et puis aussi le policier du carnaval sauvage, l'agent en face de la police officielle. Et voilà, et donc je me demandais en fait où est-ce que. Enfin, c'était peut-être l'occasion aussi de te retendre une perche, Julien, pour parler de la manière dont tu nous as invités à nous mobiliser. Nous, celles et ceux qui voient un attachement particulier. Et puis aussi, je pense là à Maxime de l'Axoso et donc aux membres de Gamel qui vont jouer ce soir. Et donc voilà, Gamel qui est donc aussi l'orchestre métallophone sur casserole récupéré du jeu de balle, qui a aussi une histoire commune avec des sorceliers, la finance, donc et plus largement aussi les habitants, habitantes et ceux qui sont sur la place ou autour de la place. Mais en fait, le marché, il est resté fermé beaucoup trop longtemps à cause du Covid. Il y avait une loi fédérale sur les brocantes. Voilà, on pouvait plus faire de brocantes. Et en fait, le vieux marché, il tombait sous le dans la catégorie brocante. Alors que en fait, c'est pas du tout une brocante. Enfin, c'est un lieu économique hyper important à Bruxelles, qui est important pour plein de gens au niveau économique, mais aussi pour l'âme de la ville, je dirais. Et je crois que le blocage ne se situait pas au niveau communal, mais ça bloquait dans les lois anti-Covid qui tapaient dans le tas un petit peu. Et puis voilà, les victimes collatérales qui étaient les marchands, alors qu'il y avait plein de gens qui pouvaient retravailler. En fait, ce qui était complètement paradoxal, c'est que les antiquaires, ils avaient le droit d'ouvrir. Donc on pouvait aller rue Haute acheter des trucs super chers, mais on pouvait pas, donc dans des magasins clos, mais on pouvait pas aller en extérieur sur la place du jeu de balle acheter des trucs pas chers. Donc ça faisait quand même, ça résonnait quand même comme quelque chose de très injuste et de très orienté au niveau électoraliste, genre les antiquaires ils votent plus que les marchands, enfin voilà. Et puis voilà, mais c'était juste dégueulasse en fait. C'était une situation hyper injuste. Et puis il y avait beaucoup de gens dans le quartier qui trouvaient que c'était très injuste et qu'avaient envie de faire quelque chose au moins symboliquement pour montrer que c'était n'importe quoi. Ça me fait penser à quelque chose. Mais c'est aussi pour, on va dire, forme de bourgeoisie La place du jeu de balle, c'est toléré, mais c'est pas quelque chose à laquelle ils y tiennent vraiment dans la ville, quoi. Il suffit de voir toutes les attaques qu'il y a eu par le passé pour essayer de limiter, d'arrêter la place du jeu de balle. Parce que, oui, en entendant tout le monde, là, et pour reprendre un peu un vocabulaire sorcier, c'est comme une anomalie dans la ville, quoi. Un endroit justement où tout est indifférencié, où il n'y a pas de hiérarchie, où il y a l'utilisation des choses, où il y a la gratuité, où des gens viennent se promener pour se calmer. Et donc c'est vraiment, pour moi, voilà, c'est ça aussi, quoi. Donc il y a une anomalie. Moi, je vois ce lieu comme un lieu de, comme on dit, un lieu de pouvoir, mais pas le pouvoir politique, le pouvoir sorcier, une anomalie, un truc qui ne devrait pas être et qui revient tout le temps, quoi, parce qu'il y a tous ces éléments. Et qui est attaqué par le sorcier adverse tout à fait régulièrement, hein, évidemment. Tu peux ? Moi, en même temps, alors, de l'extérieur, là, puisque je suis pas bruxelloise, ce qui me frappe, c'est que c'est l'attachement des gens à ce marché, au contraire. Des gens de toutes catégories, parce qu'on rencontre des gens de catégories sociales très diversifiées sur ce marché. Et il y a des gens qui ont vraiment de l'argent. Il y a un attachement. Enfin, c'est vraiment. Et il y a des textes. Alors, ça, j'ai photocopié ça. C'est un vieux texte d'Osta sur. On en reparlera tout à l'heure pour la prochaine table ronde. Et à la fin, il date de 75, ce bouquin, et il fait la liste de ce qu'il identifie comme les ennemis du vieux marché. Et c'est vachement intéressant de voir ce qu'il projette à l'époque comme étant potentiellement une menace pour la survie du vieux marché. Mais bon, on ne va pas parler de ça maintenant. Et c'est juste à la fin que je retrouve, et où il dit, en fait, même si on veut le transformer, en gros, ce marché, il va rester le marché, parce que sans le vieux marché, Bruxelles n'est plus... Voilà. Oui, le vieux marché doit rester ce qu'il est, car sans lui, Bruxelles ne serait plus Bruxelles. Et tu as utilisé ce terme, la dame de la ville. J'entends beaucoup ça, tu vois. Et ce qui me frappe, donc, c'est plutôt ça, c'est-à-dire le fait que ça soit central, le fait que partout ailleurs, enfin, dans ma connaissance, tous les autres marchés opus, ils sont en périphérie, ils sont loin, ils sont pas au centre, quoi. Donc le fait qu'ils soient sur la place où on fait le bal, quand même, le bal national, c'est quand même étonnant. C'est deux, et puis l'attachement des gens par rapport à ce marché. Donc à l'inverse, c'est plutôt ça, moi, qui m'interpelle. Il y a les deux qui se superposent, quoi. C'est l'âme de Bruxelles. Et en même temps, il y a une partie qui, enfin voilà, il y a un contingent que ça dérange. En même temps que c'est très apprécié par toutes sortes de classes, par des gens, par des bourgeois comme par des personnes qui n'ont plus rien. Enfin, il y a les deux, quoi. Est-ce que vous pourriez juste, moi j'ai pas pu venir du coup, j'ai vu des photos, j'ai vu des bouts de films. J'aurais été, je sais pas, intéressée que vous me racontiez un peu ce que vous avez fait sur la place. Comme performance, acte magique aussi, je crois, non ? Je crois que c'était une des premières sorties publiques du carnaval sauvage après le confinement. Donc le premier confinement, le confinement dur, là où on faisait rien du tout. Ouais, première sortie. Alors, donc on était tous confinés, on avait le droit de d'être trois, ou je sais plus. Enfin, ça a changé tellement de fois que je me rappelle pas dans quel ordre. Et il n'y avait pas de manifestation, il n'y avait rien dans l'espace public, en fait. Et puis, il y a un moment où on trouvait que ça faisait un peu longtemps, là, et que ça ne se justifiait pas, en fait, vu la situation. Et donc, nous, on a décidé qu'il fallait se manifester dans l'espace public. La première chose qu'on a faite, c'était de venir faire on avait appelé ça une danse de soutien au vieux marché. Et donc on est sorti on était quand même nombreux, hein. Je pense qu'il y avait une trentaine de musiciens, une vingtaine de musiciens, et quelques costumes. Et puis alors on avait parlé avec les marchands. On avait préparé des banderoles qu'on avait mis sur leur camion. Et puis tout ça s'est fait assez rapidement, en fait. On est, donc le matin, on a mis les banderoles. On est revenu à l'heure de... Quoi, en début d'après-midi, je pense. Et on a fait de la musique. On a dansé. Et la police est arrivée assez vite. On leur a dit que ça ne durerait pas longtemps. Et puis ils étaient que deux, donc voilà. Après, on est parti. Mais il y a eu quand même un petit rassemblement de monde. Et puis voilà, on est reparti tranquillos. Mais c'était une façon de dire qu'on... En fait, même les militants politiques, ils ne voulaient pas sortir en manif à ce moment-là. C'est deux, trois semaines après que ça s'est... c'est quand il y a eu Black Lives Matter qui a voulu sortir que là, ils ont pas pu dire non, en fait. Et ensuite, on a fait une sortie de soutien à la santé en lutte, donc qui était à l'hôpital Saint-Pierre. Et les soignants de Saint-Pierre, on avait gros sur la patate, on les avait gentiment applaudis le soir. Et puis, eux, ils avaient demandé qu'on requalifie leurs conditions de travail. Et puis, en fait, tout le monde s'en foutait complètement. Et puis nous, on trouvait ça très injuste. Et puis voilà, Saint-Pierre a un rôle super important ici. Et donc voilà, on a décidé que c'était important d'aller là-bas. Ils étaient contents qu'on vienne. Et il y a eu un beau moment de fraternisation parce qu'ils comprenaient aussi à ce moment-là que les artistes, ils avaient dur. Bah, parce que en fait, toute la politique du confinement, elle a été de favoriser le commerce. Et ça a révélé que c'était ça l'os de la société, que c'était plus la culture, ni le soin, ni la solidarité. C'était juste de palper du blé. Et donc c'est aussi à cette occasion-là que Gamel s'est un peu élargi. Gamel donne des concerts, mais là c'était... en tout cas, il fallait être plus nombreux, nombreuses. Et donc c'est comme ça que moi je ne fais pas partie de Gamel, mais je me suis mise à apprendre certains morceaux pour... Et puis bah oui, il y a Anthony qui est présent aussi, qui fait partie de la clique. Et donc je me souviens qu'on se réunissait comme ça à plusieurs reprises pour conduire nos actions de soutien. Et voilà. Par rapport au marché, du coup, continuer par rapport à ça. Après, c'était intéressant ces actions à mettre en place, donc par rapport au Carnaval Sauvage et les sorties. Parce qu'il y a vraiment tout un contact qu'on a eu avec la population, tout le fonctionnement qu'il y a au marché, donc tous les commerçants et compagnie qu'il y a là, tous les brocants. Et les aidants aussi. Et tous les aidants, ouais. Et puis oui, puis il y avait aussi un lien avec l'occupation au béguinage. Il y avait quand même un lien aussi en fait avec les sans-papiers qu'il y avait au béguinage à ce moment-là. Bah, en fait, le truc, c'est que les marchands, ils sont indépendants. Donc, eux, ils recevaient une subvention de l'État, un soutien pour pas pouvoir exercer leur travail. Mais en fait, ils engagent plein de gens qui sont pas forcément sous contrat. Et ces gens-là, bah, ils avaient rien. Enfin, et du coup, c'était eux qui étaient dans la merde, en fait. Et des fois, bah, c'était les mêmes qu'au béguinage, en fait, tout simplement, quoi. C'était les mêmes gens. Et du coup, on est aussi rentré en contact avec l'hôtel qui est juste à côté, en fait, qui à ce moment-là bah, accueillait aussi des sans-papiers, etc. Donc, il y a eu tout un travail comme ça qui était assez chouette dans le quartier et assez, assez important. Et puis voilà. Et puis oui, en fait, il y a eu plusieurs sorties. On a quand même fait 2-3 sur place. Puis il y avait aussi pour la Il y avait un truc de... la casserolade, non? Je sais plus. Ouais. Enfin, ce truc qu'on avait essayé de mettre en place, en fait. Donc, c'était faire une espèce de bridge à Rivari sur la place pendant X temps jusqu'à la réouverture, en fait, du marché. Bon, après, ça a été ce que ça a été. Voilà. On a essayé. Et puis, oui, voilà. C'est vrai que la dernière grosse action, c'était celle avec les banderoles, où là, ça a été un peu relayé par les médias. Et puis... Premier jour de réouverture du marché, on a fait une toute petite sortie comme ça, mais vraiment festive pour dire bonjour aux marchands. Ouais. tant que voisine et habitante à côté du vieux marché, je pense que le qui a participé à quelques-unes des voilà. je pense que ce qui était un peu, enfin oui, ce qui était clairement la peur qu'on avait, c'était qu'en fait, ça préfigurait l'absence du marché. En fait, en termes d'ambiance du quartier, ça accumulait la situation du confinement avec la peur que ça soit juste une préfiguration du fait que le quartier n'aurait plus eu ce marché. Donc, je pense que c'était ça qui était assez. Enfin, c'est un moment où tu as l'impression que tout d'un coup, on oublie vite ce qu'il y avait avant, on oublie vite. Et ça donne des arguments aux gens pour dire c'est peut-être pas si mal, sans le marché, sans le bordel du nettoyage, etc. Mais ça, par contre, c'est impressionnant comment finalement, du premier jour où le marché est revenu, il y a eu cette. Alors, je ne crois pas que ça soit un retour à l'identique, pour avoir échangé aussi avec des marchands qui, justement, disaient que c'était très dur, que c'était. Des personnes aussi qui, comme vous disiez, ils sont là de manière assez précaire. Et ça m'arrive parfois de parler en italien avec certains d'eux, puisqu'ils arrivent d'Italie où ils ont fait un premier passage. Et ensuite, quelqu'un, un oncle, une tante, les appelle en disant viens, tu peux nous aider sur le marché. Et donc, c'est clair que c'est des situations fragiles. Et pour le marché, pour le quartier lui-même, c'est ce que tu disais, Virginie, sur cette ambivalence, où, enfin, tous, on le dit tous, mais cette ambivalence de quelque chose qui est à la fois une économie et un réseau qu'on pourrait définir marginal, mais qui est tout à fait au centre métrique, spatial de la ville et en même temps symbolique, quoi. Donc c'est vraiment très. Riche pour ça et très fragile pour les mêmes raisons. Ouais, du coup, ça me rappelle un peu aussi l'initiative, j'ai l'impression, du carnaval sauvage, qui est de dire, enfin de ou alors c'est pas exactement ça, mais je sais pas, tu vas pouvoir nous répondre sans doute, Julien. Mais il y a eu comme projet de créer un parking, il me semble, ou enfin, c'est pour ça qu'on condamne le promoteur immobilier aussi sur la place du jeu de balle et sa fidèle compagnie, la bureaucratie. Et donc, du coup, je trouve que ça fait écho aussi. Tout d'un coup, quand le jeu de balle n'existe plus, c'est en effet la préfiguration d'un jeu de balle qui est menacée en permanence. Et donc, du coup, je sais pas, c'est dans l'histoire de ce vieux marché, c'est aussi la bataille des Marolles, c'est tout un tas d'événements de lutte comme ça, de lutte pour son existence, quoi, pour de résistance en tout cas. C'est que le quartier, il est l'objet de la convoitise de la bourgeoisie et de la spéculation. Donc il est dans cette situation-là depuis longtemps. Parce que même la construction du palais de justice a été un choc hyper violent pour les habitants, parce qu'ils ont détruit plein d'habitats. Et puis ils ont posé ce truc comme une domination spatiale du quartier, quoi. Et ensuite, ils voulaient encore, alors donc ça c'est en 69, ils voulaient étendre les bureaux du palais de justice, qui est quand même déjà grand, enfin je pense. Et ils voulaient donc continuer dans le quartier, là, entre le palais de justice et la rue Blas ou la rue Haute. Et en fait, là, les gens se sont mobilisés, les habitants. Ils ont gagné ce combat contre ce projet. Et c'est là qu'ils ont fait cette fête qu'on voit dans ce documentaire de la RTBF, où ils enterrent le promoteur immobilier et sa fidèle compagne, la bureaucratie. Et en fait, ce couple, donc on pourrait dire immobilier privé et secteur public, en fait, et politique publique. En fait, ce couple qui se rend service en permanence, en fait, il est toujours à l'œuvre. Et alors, il y a un moment, ils sont revenus avec une idée complètement folle de vouloir faire un parking sous la place du jeu de balle. Évidemment, levée de bouclier dans toutes les marolles, dans tout Bruxelles, en fait. Et bon, à ce moment-là, le carnaval en fait a soutenu a accompagné plutôt ce mouvement en faisant son parcours que dans les marolles et en passant aussi par les autres projets de parking. Je pense qu'ils ont tous été abandonnés depuis, mais cette année-là, on a fait quatre procès. Pour chaque lieu de parking, et puis évidemment, et on est revenu à la place du jeu de balle. Normalement, on part de la place du jeu de balle à cause de cette histoire, en fait, de matériaux qu'on récupère, et aussi pour faire allusion à cet événement historique qui est la victoire d'un comité d'habitants contre un projet immobilier. Et puis on part dans la ville plus loin. Mais là, on est revenu sur le jeu de balle. Et on a essayé de faire le feu là, c'était un peu folklorique comme ça, c'était un peu raté, mais il y avait quand même des très beaux moments de circulation dans le quartier. Enfin, je me souviens d'un très beau parcours, moi. Et là, on attend le prochain projet. Est-ce que tu veux, Virginie, faire le lien avec la prochaine rencontre ? Et à moins que l'une ou l'un d'entre vous ait envie de réagir à nouveau, on peut imaginer clôturer ce temps de conversation, évidemment le poursuivre, mais hors des micros. Eh ben donc c'est les dimensions politiques du Brawl. Donc ça sera on continue en fait la conversation, mais avec d'autres. Donc avec il y aura notamment Patrick Wouters. Donc, qui était ancien commissaire du quartier, donc qui connaît très très bien le marché depuis des années et cette économie, et qui défend vraiment la nécessité de maintenir en vie des espaces un peu interstitiels comme ça, qui sont à la lisière aussi de la légalité sur plein de points, mais qui sont très importants comme soupape de vie. Et puis il y aura Gonaël qui sera là. Donc les deux font partie du pavé dans les marolles, et nous parlerons notamment de toutes les luttes, les résistances autour du vieux marché. Et puis effectivement des menaces, pardon, je vais finir là-dessus, des projets qui planent depuis quelques années autour du vieux marché, des volontés de l'organiser, de le lisser, de le rendre plus propre, d'homogénéiser, donc voilà les enjeux très récents, en fait les luttes récentes autour du vieux marché. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et puis d'avoir permis ce temps d'échange. Et donc, dis-nous juste à quelle heure c'est donc c'est à 17h30 qu'on rate pas le démarrage. Et donc, on leur laisse la place. Merci Virginie.